La crappe sans foirée. Je vois un toxique gratte au feu rouge, les doigts brûlés par la brune. Ce matin j'ai vu un cadavre mort au milieu de la rue. J'entends le voisin taper sa tête dans les murs. Ferme les yeux et imagine mon 16 mesures. Je vois les rats sortir des snacks, les darons partir en camis. Pendant que je fais mon dernier zdah et je recote mon putain de ralice. J'ai la fenêtre en face du four, j'entends tout son double vitrage. Et la brique rouge nous écoute, on fait péler qu'à chaque virage. J'ai plus la même en face du fer et là juste je veux qu'on fasse du ferme. Excusez-moi du terme, mais c'est tous des fils de pute. Je vois plus les tesselles qui scintillent, les jeunes dépassent pas la vingtaine. Je vois des familles qui mendient, il faudrait reloger l'Ukraine. Je vois pas les portes s'ouvrir, à part celle du pénitencier. Y'a pas de sous-titres pour exprimer vraiment mes pensées. Je vois la France voiler la face dans des reportages de racistes. Bienvenue en zone interdite. C'est l'histoire de la banlieue, c'est votre histoire aussi. C'est l'histoire de deux mecs différents qui racontent leur vie. La banlieue a ses histoires, c'est légende aussi. J'ai vu des mecs faire entrer des tonnes qui valent plus un Loki. C'est l'histoire de la banlieue, c'est votre histoire aussi. C'est l'histoire de deux mecs différents qui racontent leur vie. La banlieue a ses histoires, c'est légende aussi. J'ai vu des mecs faire entrer des tonnes qui valent plus un Loki. Je vois des gosses traîner la street, des grosses lères, des élastiques. Des frères remonter au casse-pipe pour au final pointer la spie. Je vois qu'à l'état faut rien demander, bien plus de gens en train de mendier. Un stress à sneak et la santé, espèce pas le temps de se lamenter. Des temps difficiles, tout le danger, tous dans l'illicite pour changer. Je vois des frères qui taffent tous les jours mais qui doivent viser pour manger. Je le vois ce monde si sanglant, je serai pas de langue de bois ni semblant. Pourquoi les réfugiés de guerre sont acceptés que lorsqu'ils sont blancs, hein? Un holas de et un pago. Trop de péché, j'prends le limbago. J'ai vu que certains pouvaient rentrer 10 ans de salaire en un braco. Mon père, un frère, et c'est tout le quartier qui saigne. J'vois qu'un putain de flic peut te canner. Juste si t'es parti viscère, là c'est le début du nouvel ordre. J'vois bien que les mecs actifs, ils serrent eux et leur diplôme coûte plus cher que l'intelligence artificielle. C'est l'histoire de la banlieue, c'est votre histoire aussi. C'est l'histoire de deux mecs différents qui racontent leur vie. La banlieue a ses histoires, c'est légende aussi. J'ai vu des mecs faire entrer des tonnes qui valent plus un Loki. C'est l'histoire de la banlieue, c'est votre histoire aussi. C'est l'histoire de deux mecs différents qui racontent leur vie. La banlieue a ses histoires, c'est légende aussi. J'ai vu des mecs faire entrer des tonnes qui valent plus un Loki.